3, 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Jurassic Park The Ride, ou Jurassic Park River Adventure, est une attraction des parcs Universal basée sur la franchise Jurassic Park et fut conçue selon les directives du réalisateur américain Steven Spielberg. Prévue à l'origine pour n'être déclinée qu'en une simple attraction de parc à thème à Hollywood, Jurassic Park a profité de la création du parc Island of Adventures à Orlando et de son concept consistant à consacrer des zones entières à la reconstruction de l'univers d'une franchise donnée pour renaître véritablement en tant que parc à part entière à différents endroits du globe. Cette attraction entrera en développement en novembre 1990, avant même la mise en production du film de 1993 de Spielberg, Jurassic Park. Jurassic Park The Ride verra sa construction s'achever 5 ans plus tard pour la modique somme de 110 millions de dollars et ouvrira son premier parc au Universal Studios Hollywood le 15 juin 1996 en présence d'une partie de l'équipe du film. Ce fut un chantier colossal, autant par sa durée que par son ampleur et les défis techniques qu'il releva. Si elle semble aujourd'hui dépassée, Jurassic Park The Ride était, pour son époque, l'attraction la plus spectaculaire et la plus dispendieuse jamais créée. À Orlando, la principale attraction sera baptisée Jurassic Park River Adventures et ouvrira ainsi plusieurs attractions plus modestes basées sur l'univers de la série. Puis, le 31 mars 2001, ce sera au tour du Universal Studios Japan d'ouvrir ses portes et ainsi proposer une section Jurassic Park avec plusieurs boutiques ainsi que l'attraction Jurassic Park The Ride. La construction de ce parc sera suivie par ceux des studios Universal de Singapour en 2010 et finalement celui de Beijing à Pékin en 2021. Universal Studios Hollywood annoncera alors la fermeture de sa version de l'attraction en septembre 2018 pour une rénovation de plus de 9 mois, promettant ainsi de l'adapter au film Jurassic World. L'attraction rouvrira alors le 12 juillet 2019 sous le nom Jurassic World The Ride, dans laquelle de nouvelles attractions seront ajoutées pour continuer d'émerveiller les visiteurs et permettre à ceux-ci d'interagir avec les différents types de dinosaures. Ces attractions peuvent accueillir plus de 3000 visiteurs à l'heure, en faisant ainsi l'un des parcs d'attractions les plus populaires des studios Universal. Cette évolution des parcs représente très bien notre programme double d'aujourd'hui où je jetterai un coup d'œil au dernier film de la trilogie Jurassic Park et au tout premier chapitre de cette nouvelle trilogie qu'est Jurassic World. Donc, attachez votre ceinture de sécurité et préparez-vous à revisiter l'un des parcs d'attractions les plus spectaculaires, mais également des plus meurtriers, de l'histoire de la race humaine, attraction qui réunira de nouveau les êtres humains avec les créatures de l'époque jurassique. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand. Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you. See your next movie completely free. And now, on with the show. I have a proposition I'd like to discuss with you. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. We'd love to make a contribution to your research here. It could almost be paradise. I got it forgotten. We have a landing strip up ahead. You cannot land on this island. Oh my God! But in this forbidden place, where man has tampered with nature. This is how you make dinosaurs? This is how you play God. Something unexpected has evolved. They can talk to each other. To a degree we never imagined. On July 18th. You probably won't get off this island alive. It's not just a walk in the park. They set a trap. They actually set a trap. Jurassic Park 3 est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Universal Pictures le 18 juillet 2001. Ce film américain d'une durée de 92 minutes a coûté plus de 93 millions de dollars à produire et amassera plus de 368,8 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Joe Johnston. Ce metteur en scène américain qui avait réalisé les films The Rocketeer, October Sky, Jumanji et The Wolfman, la version 2010. Au niveau du poste de producteur, eh bien, on y retrouve le producteur américain Larry Franco, qui avait produit les films Escape from New York, They Live et Batman Begins, ainsi que Kathleen Kennedy, cette productrice américaine, qui, elle, avait travaillé sur des films tels que Seabiscuit, Lincoln et War Horse. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve les scénaristes américains Peter Bachman, qui avait travaillé sur Eragon, Chi Partie 1 et 2 et The Foreigner, Alexander Payne, qui lui avait travaillé sur Election, Sideways et Downsizing, ainsi que Jim Taylor, qui lui avait travaillé sur les films About Schmitz, I Nouns Pronounce You, Chucky and Larry et Election. Dans la distribution, on y retrouve Sam Neill, William H. Macy, Thea Leoni, Alexandro Nivola, Trevor Morgan, Michael Jeter, John Deal, Bruce A. Young et Laura Dern. 8 ans après une expérience traumatisante sur l'île du parc Jurassique, un paléontologue continue néanmoins à étudier les dinosaures. Les fonds de recherche se faisant rares, il accepte d'accompagner un riche couple désireux de découvrir une île voisine où vivent toujours des dinosaures génétiquement clonés. Mais lorsque l'avion s'écrase sur l'île, notre héros découvrira alors que le couple en question est en réalité divorcé et que celui-ci a été recruté afin de retrouver leur fils de 14 ans qui a disparu durant ses vacances sur cette île. Suite au succès du deuxième film, la décision fut rapidement prise de mettre en chantier un troisième volet. Cependant, l'auteur Michael Crichton n'avait pas l'intention d'écrire un nouveau roman et avait rapidement abandonné son poste de consultant pour cause de désaccords artistiques. Dès la sortie du film Jurassic Park de Steven Spielberg en 1993, son ami Joe Johnston fut intéressé à la réalisation d'une suite potentielle. Alors que Spielberg s'attendait à réaliser la première suite, il sera convenu que Johnston pourrait réaliser un éventuel troisième film. Durant le deuxième volet de la série intitulée The Lost World Jurassic Park, se trouvait une série de scènes montrant un tyrannosaurus se déchaîner à San Diego. À l'origine, Spielberg avait l'intention d'utiliser cette scène pour un troisième film, mais décida à la dernière minute de l'ajouter à l'intérieur de son long métrage, se doutant alors qu'il ne réaliserait probablement pas un autre film dans la franchise. Après la sortie de The Lost World, Spielberg estimera que le troisième volet avait besoin de quelqu'un de nouveau pour prendre le relais. C'est à ce moment que Johnston demandera de nouveau à Spielberg de le considérer comme metteur en scène de cette nouvelle production. Spielberg acceptera de lui donner le poste et prendra celui de producteur exécutif, demandant comme salaire à la Universal 20 % des bénéfices du film. Johnston arrivera donc sur le projet en mai 1999, alors que Universal Pictures annoncera une sortie prévue pour la mi-2000. Spielberg a initialement conçu une histoire impliquant le Dr. Alan Grant, qui vivait en ermite sur l'une des îles d'Ingen. Cependant, Johnston rejettera cette idée, ne pouvant s'imaginer que le paléontologiste veuille retourner sur une île habitée par des dinosaures, surtout après les événements du premier film. Ce sera Craig Rosenberg, qui a précédemment écrit et réalisé Hôtel de Love, qui débutera l'écriture de la première ébauche en juin 1999. Le scénariste avait obtenu son emploi car Spielberg et Johnston avaient été impressionnés par ses travaux antérieurs. Pour le concept de ce nouveau film, Spielberg donnera une totale liberté de création à Johnston, encourageant même le réalisateur à ne pas chercher à copier son style de réalisation. La production devait commencer au début de 2000, mais le scénario de Rosenberg sera finalement rejeté en septembre 1999. Craig Rosenberg sera le premier d'une longue liste de 9 scénaristes à se succéder pour l'écriture du scénario de ce nouveau volet. William Goldman, Tony Gilroy, Jonathan Ensley, Tom Perrotta et John August verront également leur version refusée. Peter Bockman sera alors embauché pour réécrire le script au début de l'année 2000. Le titre, Jurassic Park Extinction, sera alors choisi, mais finalement rejeté, ce titre semblant suggérer une fin définitive à la franchise. Le titre sera finalement simplifié à Jurassic Park 3. Ce sera le scénariste David Cope, qui avait travaillé sur les deux premiers volets de la franchise, qui suggérera à Johnston l'intrigue de la mission de sauvetage comme histoire de base. Au niveau de la distribution, l'acteur Sam Neill signera pour reprendre son rôle du paléontologiste Alan Grant en juin 2000. Pour William H. Macy, celui-ci avait initialement refusé son rôle en raison d'un conflit d'horaire, le tournage devant débuter à l'origine en août 2000, avec une sortie prévue en juillet 2001. Mais Universal acceptera de repousser le tournage d'un mois, permettant ainsi à ce dernier d'accepter de jouer dans le long métrage, convaincu par l'actrice Laura Dern, avec qui il avait déjà travaillé sur le film Focus en 2001. Trevor Morgan et Thea Leoni ont ensuite été annoncés comme membre de la distribution. En juillet 2000, environ 5 semaines avant le début du tournage, Johnston et Spielberg rejetteront complètement le scénario de Bockman parce qu'ils n'étaient vraiment pas satisfaits. Plus de 18 millions de dollars avaient déjà été dépensés pour le film qui avait alors, à ce moment, été totalement budgétisé. De plus, certains décors avaient même déjà été construits, le Monument national des dinosaures de l'Utah et une base militaire de Oahu étant considéré comme lieu de tournage. Afin de sauver la situation, Johnston prendra des éléments du scénario de Rosenberg et incorporera de nombreux segments du scénario de Bockman comme un moyen de récupérer le travail qui avait été mis dans le projet jusqu'à ce point. C'est à ce moment qu'arriveront les scénaristes Alexander Payne et Jim Taylor qui commencèrent à retravailler le scénario en juillet 2000 et, durant plus de 4 semaines, amélioreront les personnages de l'histoire, le script actuel étant composé principalement d'action. Ce sera d'ailleurs eux qui seront responsables de la présence du personnage de Ellie, ce qui permettra alors à l'actrice Laura Dern de rejouer ce personnage qu'elle avait interprété dans le premier volet, et ce, malgré une hésitation à réapparaître uniquement pour un caméo. Par la suite, Peter Bachman reviendra afin d'apporter quelques revisions finales. Johnston menacera à plusieurs reprises de quitter la production car Universal refusait de repousser la date de sortie du long-métrage et de lui remettre une augmentation au budget de production, causant de nombreux casse-têtes aux réalisateurs. Une ébauche finale du scénario ne sera jamais achevée avant le début de la production. Alors que le premier acte était pour la plupart en place, la partie médiane du scénario n'était pas aussi complète et la fin n'avait toujours pas été écrite. Malgré cela, le tournage débutera le 30 août 2000 et durera plus de 5 mois. Aux côtés des errements scénaristiques, le tournage a été émaillé de plusieurs accidents. Dès le premier jour, un cascadeur s'est retrouvé piégé sous l'eau et a dû être hospitalisé. Une barge transportant 150 000 $ de matériel d'éclairage s'est renversée dans une rivière. Le tournage sur l'île de Kauai, tel qu'il avait été initialement prévu en septembre 2000, ne durera que 10 jours et l'équipe a dû y retourner en janvier afin d'y tourner des scènes supplémentaires. Ce sera la productrice Kathleen Kennedy qui sauvera ce bateau sur le point de faire naufrage en convainquant Spielberg et Johnston de rester sur le projet, les deux hommes menaçant continuellement de se retirer. D'ailleurs, Spielberg ne sera jamais vu sur le plateau de tournage, ce dernier étant occupé à réaliser le drame de science-fiction Artificial Intelligence. Le tournage aura lieu à Hawaï jusqu'à la mi-septembre 2000. Par la suite, la production déménagera en Californie avant de se terminer dans le backlot des studios Universal à Los Angeles, où le concepteur de production Ed Vero, assisté de Danny Ondrejko, créèrent une forêt tropicale avec l'aide d'une équipe de 14 personnes et plus de 2 mois de travail. La production retournera à Hawaï en janvier 2001 pour filmer la scène de conclusion du long-métrage. En conclusion, la production dépassera son calendrier de quelques jours seulement, principalement en raison de la météo et de problèmes techniques inattendus. L'acteur William Macy critiquera fortement la production comme étant l'une des plus chaotiques de sa carrière, notant l'absence du producteur exécutif Steven Spielberg sur le plateau de tournage, et ce, malgré qu'une chaise portant son nom était toujours présente sur le plateau. Tout comme les films précédents, Industrial Light and Magic s'occupera des effets spéciaux numériques, tandis que Stan Winston et son équipe fourniront des animatroniques encore plus avancés que ceux utilisés dans les films précédents. L'équipe de Winston mettra environ 13 mois pour concevoir et créer les différents dinosaures. Le paléontologue Jack Horner travaillera de nouveau comme conseiller technique sur la production, comme il l'avait fait pour les 2 premiers volets de la franchise. Ce sera d'ailleurs ce dernier qui a finalement convaincu les cinéastes de remplacer le T-Rex par le grand Spinosaurus, un animal qui était considéré dans le milieu comme un véritable carnivore. Le film contiendra plus de 400 plans d'effets, soit le double du nombre présenté dans les 2 films précédents combinés. Moins de la moitié de ces 400 plans impliquaient des dinosaures, les animateurs devant également se concentrer sur l'environnement comme le feuillage de la jungle. Du côté de la musique, le compositeur John Williams, qui avait composé les bandes originales des films Jurassic Park et The Lost World, était occupé à travailler sur la bande musicale du film Artificial Intelligence et suggérera le compositeur Don Davis afin de gérer la partition de Jurassic Park 3. Après avoir signé sur le projet, Davis se demandera comment il pouvait être à la hauteur du travail effectué par Williams sur les 2 volets précédents. Lors de la production, Davis ne sera pas très satisfait des demandes des producteurs, se devant d'écrire la musique de scène qu'on lui envoyait sans savoir si ces dernières étaient définitives et qu'elles demeureront intégrées dans le montage final. Néanmoins, il se concentrera sur les thèmes originaux de William, se contentant de les retravailler en les raccourcissant ou en les allongeant pour s'adapter à certaines scènes. William fournira ses partitions originales à Davis, qui composera également quelques nouveaux thèmes, mais sans plus. La partition finale sera enregistrée avec un orchestre de plus de 104 musiciens. Jurassic Park 3 aura sa première au Universal Amphitheater à Los Angeles le 16 juillet 2001. 2 jours plus tard, le film sera présenté en salle aux États-Unis où il amassera 19 millions de $ pour sa première journée. En 5 jours, le film amassera plus de 80,9 millions de dollars et amassera au final 181,2 millions de dollars aux États-Unis et seulement 368,8 millions dans le monde entier, faisant de ce volet le pire box-office de la franchise. Malgré cela, le long-métrage remportera le prix de la meilleure musique de film de l'année, prix remporté par le compositeur Don Davis au BMI Film Awards de 2002. Du côté des points forts, eh bien Jurassic Park 3 est avant tout un véritable popcorn movie estival dont la seule tâche est de faire passer un bon moment à son auditoire. Bien que plus sombre que ses prédécesseurs, le film possède ici un rythme beaucoup plus rapide et assez bien soutenu qui font de ses quelques 90 minutes un bon passe-temps cinématographique. Du côté de la mise en scène, Joe Johnston est loin d'égaler le talent de Steven Spielberg, mais nous donne tout de même ici un film doté de scènes d'action intenses, le tout bien entrecoupé par un certain humour. L'introduction est assez bien positionnée par le metteur en scène, qui met surtout l'emphase sur son acteur vedette, qui s'en sort très bien ici. De nouveau, la qualité des effets spéciaux et surtout des créatures créées en animatronique par Stan Winston sont tout à fait sublimes. Mais du côté des points faibles, l'ensemble sent le réchauffer et n'innove pas vraiment sur le plan technique, le scénario étant rempli d'incohérences et d'invraisemblances et les dernières minutes du film semblant garrochées pour terminer rapidement l'histoire car le temps alloué est dépassé. La distribution est moyenne, le choix des acteurs n'étant réellement pas adéquat pour le film, surtout au niveau de William Macy et Téa Leoni. Bien que les effets spéciaux soient tout de même assez bien réalisés, certains dérangent quelque peu, surtout au niveau du numérique. L'aspect du questionnement est ici totalement mis de côté afin de ne se consacrer que sur l'action, ce qui ne déplaira certainement pas aux avides de films d'action. Au niveau de la trame sonore, eh bien, c'est le compositeur américain Don Davis qui nous avait donné la musique de The Matrix, House on Haunted Hill, The Marine et Hyperspace qui s'est occupé ici d'écrire la musique du long-métrage. Cette trame sonore qui a été rendue disponible sous l'étiquette Decca Records le 10 juillet 2001. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore de Jurassic Park 3. For your barbecue break, treat yourself right now to that good old Southern style Just Right barbecue. Steeped in taste-tingling barbecue sauce made just right from fresh,

Ce film américain d'une durée de 124 minutes a coûté plus de 150 millions de dollars à produire, mais amassera 1 670 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Colin Trevorrow, ce réalisateur américain qui nous a donné les films Safety Not Guaranteed et The Book of Henry. Au niveau des postes de producteurs, on y retrouve les producteurs américains Frank Marshall, qui avait travaillé sur les films Paper Moon, Poltergeist, la version 1982 et Always, ainsi que Patrick Crawley, ce producteur qui avait travaillé sur Bourne Legacy et The Battle at Big Rock. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Rick Jaffa qui avait travaillé sur le film The Hand That Rocks the Cradle et Rise of the Planet of the Apes, ainsi que Amanda Silver, cette scénariste américaine qui, elle, avait travaillé sur les films In the Heart of the Sea et Eye for an Eye. Se joignent à eux Derek Conley, ce scénariste américain qui avait travaillé sur Kong Skull Island et Pokémon Détective Pikachu, ainsi que Colin Trevorrow, ce scénariste américain qui avait travaillé sur Jurassic World, Fallen Kingdom et Gary Under Crisis. Au niveau de la distribution, on y retrouve Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson, Omar Sy, Bidi Wong, Irfan Khan, Jake Johnson, Lauren Lapkus et Judy Greer. 22 ans après les événements survenus sur une île au large de Costa Rica, le rêve du philanthrope John Hammond est finalement devenu une réalité et un parc thématique et éducatif abritant des dinosaures clonés s'est concrétisé grâce à l'apport d'un millionnaire. Mais, après des années de succès monstre, le site connaît une légère baisse de fréquentation, ce qui force le propriétaire et sa directrice de charger l'équipe scientifique de créer en laboratoire de nouvelles espèces de monstres préhistoriques dont l'un d'eux s'échappe de son enclos, mettant en danger la vie des visiteurs de l'emplacement. Alors qu'il terminait la post-production de Jurassic Park 3, le producteur exécutif Steven Spielberg et le réalisateur Joe Johnston commencèrent à échanger des idées pour un quatrième chapitre, et ce, malgré les difficultés rencontrées sur la dernière production. Suite à la mauvaise prestation au box-office de ce troisième opus, Johnston annoncera qu'il n'était nullement intéressé à retourner au poste de réalisateur pour le prochain long-métrage. Malgré cette annonce, la compagnie Amblin Entertainment commencera le développement de Jurassic Park 4 et embauchera en 2002 le scénariste William Monahan. La première ébauche de son scénario sera terminée en juillet 2003, mais ce dernier quittera alors le projet afin de travailler sur le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven. Il sera alors remplacé par John Sayles, qui écrira deux brouillons de scénario et Universal annoncera une date de sortie fixée à la mi-2005. Malheureusement, le film sera alors reporté de façon définitive en avril 2005 lorsque Spielberg se montrera totalement insatisfait des révisions du scénario de Sayles et demandera une réécriture complète qui sera alors effectuée par le scénariste Jeremy Piven. Ce sera à ce moment que le producteur Frank Marshall se joindra à l'équipe de production et que le projet tombera quelque peu dans l'oubli car Marshall, Spielberg et la productrice Kathleen Kennedy seront occupés par d'autres projets cinématographiques dont le quatrième film de la franchise d'Indiana Jones et le remake de War of the World. Dès 2006, Joe Johnston se retrouvera de nouveau impliqué dans le projet au niveau de la scénarisation avec l'aide du paléontologue Jack Horner, mais quittera définitivement la production au début des années 2010 pour travailler sur son film Captain America : The First Avenger, qui sortira alors en salle en 2011. Mais l'année 2008 allait être éprouvante pour l'équipe de production avec les décès coup sur coup à 5 mois d'intervalle du concepteur des effets spéciaux Stan Winston, qui avait réalisé tous les animatroniques sur les 3 premiers volets de la franchise et qui décédera des suites d'un cancer le 15 juin, suivi de l'écrivain Michael Crichton, également décédé d'un cancer en novembre de cette même année. Ce ne sera pas avant 2011 que Jurassic Park 4 reprendra vie lorsque Spielberg souhaitera sortir une suite au jeu vidéo de 1998, Jurassic Park Trespassers. C'est à ce moment qu'il contactera Seamus Blankley, qui supervisa le jeu original, afin de travailler sur cette suite. Le jeu proposé par Blankley sera intitulé Jurassic World et impliquerait des dinosaures s'échappant des îles d'Ingen et atteignant la civilisation. une bande-annonce du pitch de présentation sera alors créée cette année-là, mais le projet se verra annulé suite à un changement de direction chez la compagnie Universal. C'est alors que Blackley enverra tous ses travaux effectués sur le jeu au niveau artistique au producteur Frank Marshall afin que ce dernier puisse s'en servir pour un potentiel nouveau long-métrage. En juin de cette même année, Spielberg rencontrera le scénariste Mark Protosevich pour travailler sur une nouvelle histoire basée sur le concept de Blackley. Après avoir écrit deux traitements d'histoire pour le film, dont aucun ne sera approuvé, Spielberg et Kennedy estimeront alors que le film n'avait pas encore une histoire adéquate. C'est à ce moment qu'entrera en scène Rick Jaffa et Amanda Silver, un couple d'auteurs mariés dans la vraie vie qui incorporeront plusieurs idées de Spielberg ainsi que le concept d'un dinosaure ayant la capacité de se rendre presque invisible dans l'environnement où il se trouve, tel un caméléon. Cette idée provenait du roman « The Lost World » de Michael Crichton et n'avait pas encore été utilisée jusqu'à présent dans la franchise. Cette fois-ci sera la bonne et en janvier 2013, Universal Pictures fixera une date de sortie au 13 juin 2014. Malheureusement pour Spielberg, ce sera à ce moment que la productrice Kathleen Kennedy, nouvellement nommée au poste de présidente de Lucasfilm, se retirera complètement du projet afin de travailler sur Star Wars : The Force Awakens. Ce sera également durant cette période qu'un jeune metteur en scène presque inconnu, du nom de Colin Trevorrow, sera embauché comme metteur en scène. Patrick Crawley sera quant à lui nommé au poste de producteur aux côtés de Frank Marshall afin de remplacer Kennedy. Trevorrow et son partenaire d'écriture, Derek Conley, retravailleront le premier jet de Jaffa et Silver tout en conservant les idées incorporées à l'histoire des deux scénaristes. Universal dut retarder d'un an la sortie de Jurassic World afin de donner aux deux nouveaux écrivains le temps de perfectionner le script. Alors qu'entre 2003 et 2008, plusieurs membres de la distribution des précédents films de Jurassic Park avaient été annoncés pour reprendre leur rôle, le jeune metteur en scène, lui, prendra la décision de ne ramener aucun personnage des films précédents, sauf s'il y avait une bonne raison pour qu'il soit impliqué dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle le scientifique responsable de la création des dinosaures, le Dr. Henry Wu, fut considéré comme un choix logique. Après le début des négociations avec l'acteur B.D. Wong pour que ce dernier reprenne son rôle du Dr. Wu, ce seront les jeunes acteurs Ty Sipkins et Nick Robinson qui seront embauchés pour interpréter les deux enfants du film. Bryce Dallas Howard et Chris Pratt seront par la suite choisis pour les rôles principaux, alors que Vincent D'Onofrio et Irfan Khan seront les derniers à être inclus dans la distribution au début de 2014, quelques jours seulement avant la signature de B.D. Wong. Le tournage débutera sous le titre provisoire de Ebb Tide le 10 avril 2014 au Zoo d'Honolulu à Hawaï. Bien que producteur exécutif, Spielberg ne visitera pas le plateau de tournage afin de laisser pleine liberté à Trevorrow. Cependant, le producteur regardera tout de même toutes les séquences tournées à la fin de chaque journée de production. Bien que la cinématographie numérique était très populaire à cette époque, le jeune réalisateur et son directeur de la photographie, John Schwartzman, prirent la décision de tourner avec des caméras de film 35 mm et 65 mm afin de correspondre à l'esthétique visuelle des trois films précédents de la franchise et parce que les scènes de jungle extérieure nécessitaient une plus grande plage de luminosité que les appareils photo numériques ne pouvaient supporter. D'ailleurs, l'une des caméras 65 mm utilisées pour la production fut également utilisée pour le tournage du film de Stanley Kubrick de 1968, 2001, A Space Odyssey. Le tournage sur l'île hawaïenne d'Oahu dura plus de 33 jours. Certaines journées de tournage durent être limitées à seulement 3 heures en raison de pluies torrentielles. La séquence de moto avec les Raptors sera tournée le long d'un chemin de terre à Kualoa Ranch. Lors du tournage, Chris Pratt aura un accident de moto entraînant des blessures mineures. L'île de Kaiwe sera également de nouveau utilisée durant la production. Le tournage se poursuivra à Hawaï jusqu'en juin avant de déménager en Louisiane, plus spécifiquement en Nouvelle-Orléans. Le tournage se terminera le 5 août 2014, après 78 jours. Stan Winston avait fourni les dinosaures animatroniques pour les précédents films de Jurassic Park et avait l'intention de faire de même pour le quatrième film avant sa mort. Ce sera les anciens collègues de ce dernier qui créeront leur propre compagnie après son décès, Legacy Effect, qui fourniront les animatronics pour cette production. Ce sera de nouveau Industrial Light and Magic qui s'occupera des effets informatiques pour compléter les séquences, le tout supervisé par Phil Tippett et Dennis Moran. La bande originale du long-métrage sera composée par Michael Giacchino, qui avait déjà signé la musique des jeux vidéo Warpath Jurassic Park et The Lost World Jurassic Park et reprendra quelques-uns des thèmes composés par John Williams pour les deux premiers volets de la saga. La première de Jurassic World aura lieu le 29 mai 2015 au cinéma Grand Rex à Paris, en France. Le film sortira en salle dans plus de 66 territoires du 10 au 12 juin. En Amérique du Nord, des projections préalables eurent lieu le 10 juin au Majestic 10 Cinemas of Williston dans le Vermont, avant d'ouvrir deux jours plus tard dans plus de 4273 salles, le plus grand nombre d'écrans jamais enregistrés pour la sortie d'un long métrage de la Universal. Jurassic World sera diffusé dans plus de 809 cinémas IMAX, dont 364 en Amérique du Nord, ce qui faisait à cette époque la troisième plus grande sortie mondiale de tous les films de l'histoire d'IMAX. Au final, Jurassic World rapportera plus de 652,3 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 1 milliard de dollars dans le reste du monde et établira un record au box-office lors de son week-end d'ouverture, devenant le premier film à collecter plus de 500 millions de dollars en un seul week-end à travers le monde entier. Le film franchira la barre du milliard de dollars en 14 jours, ce qui en faisait le film le plus rapide à son époque à atteindre ce cap, dépassant le long-métrage Fast and Furious 7. Le bénéfice net du film s'élèvera à plus de 475 millions de dollars en tenant compte des budgets de production, du marketing, des pourcentages de recettes et autres coûts divers. Au niveau des ventes de DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D, le film vendra tout près de 3 millions d'unités au cours de sa première semaine, ramenant à Jurassic World des revenus additionnels de plus de 82,6 millions de dollars au cours de sa première semaine. Jurassic World amassera au total 4 prix, dont celui des meilleurs effets visuels au Hollywood Film Award, de la meilleure trame sonore de l'année au World Soundtrack Academy, du meilleur acteur dans un film d'action pour Chris Pratt au MTV Movie Award et finalement la meilleure performance pour un jeune acteur pour Ty Simpkins au Saturn Award. Le film a également conduit à la conception de projets d'animation tels que Lego Jurassic World The Indominus Escape en 2016, Lego Jurassic World The Secret Exhibit en 2018 et finalement Lego Jurassic World Legend of Isla Nublar, une mini-série créée en 2019. Une série télévisée d'animation en 3D intitulée Jurassic World Camp Cretaceous sera créée le 18 septembre 2020. Il s'agira ici d'une coproduction entre Netflix et DreamWorks Animation qui donnera naissance à plus de 37 épisodes qui seront diffusés à l'intérieur de 4 saisons. Du côté des points forts, eh bien, ce qui frappe le plus dans ce nouveau volet de cette franchise populaire, c'est cette impression qu'on regarde un mix entre le tout premier Jurassic Park et le film Westworld, dont l'idée fut également conçue par l'auteur Michael Crichton. Bien qu'incapable de surpasser le premier opus de la série, Jurassic World est tout de même un excellent divertissement qui possède de nombreuses trouvailles visuelles fort intéressantes et surtout un suspense assez bien mené dans la seconde partie du long-métrage. La mise en scène de Trevorrow est excellente, le jeune réalisateur s'en sortant assez bien pour une première grosse production, donnant un bon rythme à son histoire tout en présentant ici très bien les dangers de la manipulation génétique. Jurassic World est une excellente suite à Jurassic Park et renoue avec l'esprit de celui-ci tout en nous présentant finalement le rêve accompli de John Hammond. La qualité des effets spéciaux est encore à la hauteur du nouveau challenge et parvient encore une fois de façon impressionnante à éblouir son auditoire. Au niveau de la distribution, Chris Pratt nous démontre un charisme qui prend la place qu'il a à prendre sur l'écran, malgré le fait que son personnage manque quelque peu de vigueur. Du côté des points faibles, eh bien, le scénario ici est quelque peu simpliste et prévisible, accumulant les clichés et les clins d'œil à des films tels que The Birds, Westworld et la version 2014 de Godzilla. De plus, du côté de la distribution, les talents de Bryce Dallas Howard et Vincent D'Onofrio sont mal exploités ici, leur personnage n'étant qu'une pâle caricature de ce qu'on a déjà vu à maintes reprises dans d'autres productions du genre. D'ailleurs, le personnage de Howard est énervant et stupide à un point tel que la jeune femme ne pense à aucun moment à enlever ses talons hauts lorsque cette dernière est poursuivie par des dinosaures dans la jungle. Bien que la mise en scène de Colin Trevorrow soit vigoureuse, son manque d'expérience paraît tout de même dans la première partie du long-métrage qui nous paraît moins dynamique et intéressante que la seconde partie. Jurassic World représente très bien le passage entre l'aspect gigantesque et grandiose que permet la technologie informatique et celui de la retenue à une simplicité causée par une technologie de base qui force alors son réalisateur à utiliser un stratagème de mise en scène afin de donner un meilleur suspense. En un mot, le moins de Jurassic Park version 93 est beaucoup plus efficace que le plus qui nous est présenté ici. Du côté de la trame sonore du film, eh bien c'est le compositeur américain Michael Giacchino qui a composé la musique, lui qui avait composé les trames sonores des films The Incredibles, Super 8, Tomorrowland et Doctor Strange, la version de 2016. Il existe deux versions de la trame sonore de Jurassic World. D'abord, celle qui est sortie sous l'étiquette Backlog Music le 9 juin 2015 et l'édition spéciale 2 disques qui est sortie sous l'étiquette Mondo le 30 octobre 2015. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore de Jurassic World. Côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Jurassic Park 3 5. J'y vais également à une cote 5, beaucoup moins intéressant que les deux premiers films, surtout au niveau artistique. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, à l'époque, la régie du cinéma avait coté le film Jurassic Park 13 ans indicatif. Aujourd'hui, on le met général. Moi, j'y vais quand même avec un 14 ans. Il y a quand même des scènes de violence qui peuvent être un petit peu difficiles à regarder pour un jeune auditoire. Du côté de Jurassic World,